Mais qu'ai-je fait pour mériter ce regard? Comment pourrais-je retrouver ton égard? Est-ce un geste, une parole, même un semblant? Un oubli, une envie, des sentiments? Y a-t-il une scène que j'ai zappée? Abandonné, est-ce un geste, une parole, même un semblant, un oubli, une envie, des sentiments? Je ne vois pas l'erreur que j'ai pu commettre mon unique peur est celle de te perdre. Pour mériter cet écart, quand je fais l'effort de t'attendre le soir, est-ce un geste, une parole, même un semblant, un oubli, une envie, des sentiments? Je ne vois pas l'erreur que j'ai pu commettre. Mon unique peur est celle de te perdre. Si seulement j'avais pu deviner un peu plus tôt, et qu'entre nous il n'y avait plus que ces indébiles mots. Je ne vois pas l'erreur que j'ai pu commettre. Mon unique peur est celle de te perdre. Je ne vois pas les...